suis posé devant mon bloc, mais j'attends pas mes billets. Faut juste que je débloque la sécu de mon canon sué. Je suis posé devant mon bloc, j'attends pas mes billets. Faut juste que je débloque la sécu de mon canon sué. Bendo, là je suis dans le bendo. Et je te vois tomber de haut, pas trop de blême pro. Bendo, là je suis dans le bendo. Et je te vois tomber de haut, pas trop de blême pro. Y'en a mille, des poteaux y'en a mille. Des poteaux y'en a mille. Je vais pas me tromper cette fois-là, je vais viser dans le mille. Ça y est, quelques lignes. Et tu crois que tu m'alignes. Tu crois qu'elle est naïve, mais elle est super maligne. On se follow, oui. Mais bon, y'aura que toi. Toi, t'as un bug insta, donc quoi je pourrais voir. J'fais putain de merde, j'crois que j'ai vécu tes rêves. La haine sur tes lèvres, j'crois que j'ai gâché tes rêves. Follow back, pas, car on se connaît pas. On se téléphone pas, car on se connaît pas. On se follow back, pas, car on se connaît pas. On se téléphone pas, car on se connaît pas. J'suis posé devant mon bloc, mais j'attends pas mes billets. Faut juste que je débloque la sécu de mon canon sué. J'suis posé devant mon bloc, j'attends pas mes billets. Faut juste que je débloque la sécu de mon canon sué. Bendo, là j'suis dans le bendo. Et j'te vois tomber de haut, t'as trop de blême pro. Bendo, là j'suis dans le bendo. Et j'te vois tomber de haut, t'as trop de blême pro. Tu veux grader, on sait qu'il est fiché au grand B. T'as vu trop l'eau se faire éclater, c'était ton plan B. Toucher le gros lot, on a du bif, on est calibré. Quand tu me follow entre Badrari et Karim B. Tu prends l'avion, tu fais la belle. Tu dors avec tes followers. En deux semaines, t'as fait 8 tables. Oh putain, mais quelle horreur. Non, je vais dépenser quasi 20 000. Ça va soulager ma douleur.